partir de la Campine et de la frontière allemande. Demain, on retrouvera un ciel plus nuageux partout et le risque de quelques gouttes sera limité aux hauteurs liégeoises ou encore à la Campine, le nord-est du pays, on va dire. 8 à 12 degrés pour les températures maximales. Ce sera nuageux également jeudi et vendredi avec une hausse du mercure à l'approche du week-end. Début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Toujours pas de nouvelle réunion programmée pour les ministres du gouvernement Michel. Le blocage est complet. Les ministres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les réformes à engager pour boucler le budget. Charles Michel ne fera pas de déclaration de politique générale cet après-midi. Ira-t-il à la Chambre tout de même, comme le réclame l'opposition ? Bien malin qui peut le dire à l'heure actuelle. Les sacs poubelles bleus des Wallons pourraient changer de couleur et surtout voir leur contenu changer aussi. Si dorénavant, on pourra y mettre beaucoup plus de choses, détails, dans un instant. Ce gros revers pour Samsung, la marque arrête la production du Galaxy Note 7 qui devait concurrencer l'iPhone. Les batteries du Galaxy explosent, gros revers pour la marque coréenne. Le journal de la mi-journée présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. D'abord cette information, l'alerte à Molenbeek-Saint-Jean est levée. Une école a été évacuée ce matin à cause d'une alerte à la bombe, l'école communale numéro 9. Les enfants, une petite centaine, sont restés dans le parc Marie-Josée le temps de faire passer les chiens spécialisés dans la détection d'explosifs. Ils sont maintenant rentrés dans l'école. Le périmètre de sécurité est levé. Parfum de crise dans le gouvernement Michel. Les ministres ne parviennent pas à s'entendre sur le budget, sur les réformes qui l'accompagnent. Chris Peters a claqué la porte cette nuit. Conclusion, le Premier ministre ne fera pas sa déclaration de politique générale comme le veut la tradition le jour de la rentrée parlementaire. Dans l'opposition, Jean-Marc Nollet pour Écolo, Élodie Rupeau pour le PS comme Catherine Fong pour le CDH réclament tout de même la présence de Charles Michel à la Chambre cet après-midi et veulent qu'on en profite pour revoir les mesures d'économie déjà prévues. Ce serait réaliste. Allez, ça fait des mois qu'ils savent qu'il y a un énorme trou dans leur budget, dont ils sont d'ailleurs en grande partie responsables. Et puis aujourd'hui, alors même que vous avez un ministre du gouvernement qui s'exprime en radio, qui explique le budget, le Premier ministre refuse de venir ici à la Chambre. Nous avons évidemment déposé une motion pour le faire venir. C'est ici que les débats doivent se tenir. Et notamment, il doit évidemment se justifier parce que 1 milliard d'économies en santé, je peux vous dire que ça va faire terriblement mal aux malades, surtout que la ministre de Bloc a déjà fait 2 milliards d'économies ces 2 dernières années. C'était Catherine Fronck, chef de groupe CDH avec Marc Cirlerot. Pour la suite, eh bien, les chefs de groupe politique de la Chambre, justement, vont se réunir avec le président de la Chambre avant la séance plénière, c'est-à-dire avant la séance avec tous les parlementaires prévue elle à 14h15. Siegfried Braak, le président de la Chambre, inaugurait ce matin de nouveaux locaux au Parlement. Apparemment, il y a des problèmes et donc on convoquera la conférence des présidents une petite demi-heure avant le début normal de la séance plénière. Séance plénière qui aura lieu en tout cas parce que c'est un devoir constitutionnel, le deuxième mardi d'octobre. Donc il faut, comme on le dit, il faut se constituer et on le fera. Et pour le reste, c'est la conférence et par absence de consensus, c'est la séance plénière qui en décidera. Parfum de crise aujourd'hui ? Ce qu'on sent ici, dans ce nouveau bâtiment, c'est pas vraiment parfum de crise, c'est plutôt le parfum de la peinture. Siegfried Braak avec Marc Cirlerot ce matin. Et pendant ce temps-là, le roi et la reine, eux, sont en visite d'État au Japon. 100 ministres fédéraux retenus pour négocier le budget. Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, ne les rejoindra pas. Pourtant, une visite d'État, c'est un acte politique et le roi doit normalement être couvert par le gouvernement. Alors, est-ce un problème ? Michel Lagaz a posé la question à Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Liège. Il va de soi qu'il est préférable, ne fût-ce que pour des raisons de prestige et des questions d'usage, qu'une visite d'État se fasse avec le chef d'État et puis une certaine délégation ministérielle, à tout le moins un ministre. Ça, ce sont là des choses qui, en termes d'usage, sont sans doute préférables, mais en l'occurrence, si vous avez un problème domestique dans votre propre pays qui rend impossible la venue d'un ministre, constitutionnellement, le roi reste couvert. Il y a eu un accord du gouvernement pour la visite d'État. Le programme a été approuvé. Donc le roi est couvert. Et cela, peu importe l'endroit où se trouve exactement le ministre. Christian Behrendt, interrogé ce matin par Michel Lagaz. On apprend que Peter de Crème, le secrétaire d'État au commerce extérieur, pourrait le remplacer au Japon. Le FN belge, le Front National, doit changer de dénomination sociale. L'ASBL, Front National Belge, ne pourra plus utiliser son nom, Front National, d'ici 3 mois, sous peine d'une amende de 2 500 € par jour. Décision de la Cour d'appel de Liège après une plainte du Front National français. Les sacs bleus PMC vont-ils bientôt changer de couleur et virer au mauve? C'est l'intention de Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l'Environnement, voudrait l'imposer à tous les Wallons pour le 1er janvier 2019. Ce sac mauve, le P plus MC, comme on l'appelle, pourrait recevoir plus de plastique, ceux qui sont actuellement exclus dans les sacs PMC classiques, comme les pots de yaourt par exemple. Actuellement, FOSPLUS, l'organisme du recyclage en Belgique, teste ce nouveau sac dans 6 communes. Fatima Boudjaoui, la porte-parole, nous dresse un premier bilan après bientôt 1 an d'utilisation. En Wallonie, ce sont les communes de Marchin, Anu et de Frameries. Et nous constatons une bonne qualité de tri ainsi que des quantités encourageantes. Donc de manière globale, au niveau des quantités collectées, nous atteignons 35 tonnes supplémentaires par mois sur les 6 communes test, et ceci représente plus de 3,7 kg par habitant et par an d'emballage en plastique supplémentaire. Et est-ce que ce sac mauve pourrait remplacer assez vite le sac classique ? Nous y travaillons, nous sommes en bonne voie. L'enjeu pour nous, c'est de donner des débouchés à ces nouveaux plastiques, des débouchés pérennes et durables. Nous sommes en train d'analyser maintenant l'impact économique, mais également l'impact écologique des différents scénarios développés en Belgique. Nous espérons pouvoir concrétiser ce projet pilote en succès. Fatima Boudjaoui, la porte-parole de FOSPLUS avec Lionel Denebourg. L'entreprise de recyclage de matériaux de construction Gripia verra-t-elle le jour à Senef en Hainaut? Les voisins, on le sait, sont contre. Les communes de Manage et de Senef aussi. La région wallonne n'y est pas favorable. L'entreprise Van Ganswinkel Minerals, qui porte le projet, a décidé d'introduire un recours contre la décision du gouvernement wallon. Savez-vous ce qu'il faut faire avec vos animaux de compagnie quand ils ont des tiques ou des puces? 2 experts ont mené l'enquête auprès de 1000 Belges. Résultat, 1 Belge sur 3 surveille régulièrement son animal. Et pourtant, 8 chats sur 10 continuent à avoir des tiques et des puces. C'est un problème pour l'animal, bien sûr, mais aussi pour l'homme. Ces parasites provoquent des démangeaisons et transmettent des maladies tant aux animaux qu'aux humains, notamment la maladie de Lyme. Edwin Clarbout, professeur en parasitologie à l'Université de Gand. Le plus grand risque des tiques, c'est la transmission des maladies, comme la maladie de Lyme, par exemple. Le pourcentage des tiques qui étaient positifs, ça variait entre 10 et 25%. C'est une maladie grave. Il y a à peu près 1500 personnes par an qui sont affectées et qui sont vraiment malades. Ça peut donner des arthrites, des problèmes de peau et aussi des symptômes neurologiques. On peut essayer d'éviter les endroits où les tiques sont prévalents, comme les bois, par exemple, ou les parcs. Alors, deuxièmement, on peut donner des traitements préventifs pour protéger les animaux qui sont exposés aux tiques. Des propos recueillis par Sophie Mergen. Toutes les 7 secondes, une fille de moins de 15 ans est mariée. C'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par l'ONG de défense des droits de l'enfant, Save the Children. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des filles. 700 millions de filles et de femmes vivent actuellement dans une union conclue avant leurs 18 ans. Principaux pays concernés, l'Afghanistan, le Yémen, l'Inde ou la Somalie. Certaines filles sont déjà mariées à 10 ans. Les coca, Fanta, jus d'orange, bientôt taxés. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, propose d'augmenter le prix de 20%, histoire de diminuer la consommation de ces produits. Les boissons sucrées provoquent l'obésité et le diabète. L'OMS, dans le même temps, propose qu'on aide le secteur des fruits et légumes frais pour permettre justement de diminuer les prix dans ce cas-là. Les 1200 Belges qui avaient commandé le Galaxy Note 7 ne verront pas arriver leur nouvel objet. Samsung décide d'arrêter la production. Certaines batteries de l'appareil ont explosé, la marque a dû rappeler les portables, les modèles ont été changés, mais les nouveaux aussi sont apparemment susceptibles de s'enflammer. Résultat, hier déjà, le cours de Samsung a chuté en bourse et Maxime Debs, ça ne devrait pas vraiment s'arranger. Pour Samsung, le coup est terrible en termes d'image. D'abord, la marque va devoir regagner la confiance de ses clients. Ensuite, d'un point de vue financier, 1 voire 2 milliards d'euros, c'est ce que devrait coûter au bas mot le simple rappel de ces nouveaux téléphones dont Samsung va devoir faire le deuil. Vincent Dujardin est expert en communication. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire légitimement que la marque Note est partie en fumée avec les batteries. Et aujourd'hui, Samsung a pris un gros coup de retard contre Apple d'une part, mais d'autres concurrents, notamment chinois, vont certainement pouvoir s'immiscer dans cette concurrence et ça donne de la place à d'autres acteurs et à l'émergence d'autres acteurs. Car c'est là le problème qui se pose à Samsung en ratant le lancement de son produit phare. La marque s'est bien mise en difficulté vis-à-vis de ses concurrents, toujours plus nombreux. Embêtant dans un marché qui a tendance aujourd'hui à stagner. Selon une récente étude, les ventes de mobiles dans le monde devraient baisser de 3% cette année, autant de portables que Samsung ne vendra pas. Deux mots de sport pour vous dire qu'en tennis, au tournoi de Shanghai, David Goffin a éliminé Juan Martín del Potro. Il s'est imposé en 3-7 après 2h18 minutes de jeu. Il jouera contre le français Benoît Paire au deuxième tour. Et puis encore un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui qu'il faut faire le plein parce que demain, le diesel va augmenter. Et nous allons faire tout de suite un point sur les routes, justement, avec Amandine Aymar. Et oui, quelques ralentissements à vous signaler au poste frontière sur le 17 Gand-Lille. On relève des files entre Albeek et Neuville-en-Ferrin. Vous perdez 20 minutes vers la France. Et à Bruxelles, un incident s'est produit dans les tunnels Cinquantenaire et Loire. La chaussée est fermée, saute en direction du centre. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, c'est la vie du bon côté. C'est Sylvie Honoré. Vous allez nous parler des difficultés à répétition. C'est quand on a la poisse, c'est que rien ne va jamais, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et qu'on continue à, malgré tout, à foncer dans le mur, vous voyez, à faire des choses qui se sont déjà répétées, qui n'ont pas réussi. Et voilà, on continue. À un moment donné, il faut savoir dire stop et prendre un peu les choses en main. On va parler de tout ça dans cette émission en vous présentant un livre. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums après rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparexcel.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 11 octobre. Croyez-vous au hasard ou bien interprétez-vous certains événements de votre vie comme des coïncidences? À 35 ans, Marie-Luce, notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Luce Doche, vit des événements répétitifs et très douloureux. Les similitudes lui font penser que la vie lui envoie des signes. Elle ressent que la compréhension de tous ces événements va l'aider à s'en sortir. Elle découvre alors son chemin de vie, sa mission. Ça ressemble à un roman, hein? Ou un peu le scénario d'un film à suspense. Bon, itinéraire d'une mission de vie. C'est donc votre livre, c'est le livre que l'on vous présente aujourd'hui, Marie-Luce Doche. L'objectif de votre livre, c'est de nous aider à imaginer que ces signes sont des messages riches d'enseignements, de belles opportunités aussi pour améliorer notre existence, pour casser un peu ce fameux schéma des répétitions. Oui, c'est le but, hein, c'est de comprendre pourquoi ça se présente à nous et surtout comment en sortir pour améliorer notre vie. Voilà, des événements douloureux. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'une personne qui vit en couple, une belle relation, et puis la relation casse, elle se met dans une autre relation et la relation recasse parce qu'elle a peut-être reproduit les mêmes erreurs. C'est ce qu'on appelle un schéma à répétition. Oui, elle n'a peut-être pas compris que certaines choses ne lui convenaient pas et inconsciemment, elle reproduit le même schéma. Oui. Et le but du livre, c'est justement de comprendre qu'on peut à un moment donné prendre un peu de recul après avoir accusé la difficulté, prendre un peu de recul et comprendre ce qu'on peut transformer au travers de ça. Ouais, c'est ce que vous avez fait, de prendre du recul, bien sûr, puisque vous parlez de vous aussi dans ce livre. Et j'ai appris à vous connaître, évidemment, puisque vous parlez de cette obstination d'enfanter, puisque c'était votre sens de vie, c'était le sens de votre vie, c'était votre mission de vie. C'est la mission que vous étiez fixée pour exister, c'est ça. C'était votre raison d'exister, d'avoir depuis un enfant. Depuis que j'étais jeune, c'était ça. Former une quand famille je serai grande, enfants, j'aurai une famille, des enfants, je serai une super mère au foyer. C'était le but de ma vie. Et la vie en décide autrement. Oui, complètement. Les enfants ne viennent pas, donc les enfants ne sont pas viables chez moi. C'est médical. C'est médical, ça. Donc, à un moment donné, les médecins m'ont conseillé d'arrêter parce que à chaque fois, c'était une souffrance. Mmh. Et m'ont orienté vers l'adoption, ce que j'ai fait à l'époque. Mmh. Et puis après, j'ai fait évidemment une grosse dépression parce que c'est jamais facile de ne pas mener à terme une grossesse. Et grâce à une thérapie que j'ai entreprise, puis toutes des formations que j'ai suivies par la suite, j'ai compris... Vous avez changé d'objectif de vie. Voilà, j'ai compris que mon objectif de vie n'était pas uniquement ça. C'était ça, mais pas uniquement. Voilà, donc à partir de votre exemple personnel, on va parler un petit peu de nos objectifs à nous tous, notre mission de vie. Encore faut-il l'avoir compris. 070 23 33 23, SMS 30 63, c'est parti. La vie du bon côté. sur Vivacité. Itinéraire d'une mission de vie pour donner un sens à sa vie. Voilà ce que Marie-Luce Doche nous propose aujourd'hui. Pourquoi donner un sens à notre vie? Pour être aligné dans nos besoins, ce que le célèbre Maslow, psychologue, a défini dans une pyramide. Il a souligné l'importance d'appartenir à un groupe pour exister. Alors elle va nous expliquer ça, elle va nous parler de cela. Observer les événements que nous vivons, leur répétition, notre degré de satisfaction et expérimenter d'autres opportunités. Trouver ce que nous aimons. Finalement, tout cela va nous permettre de faire le lien entre les expériences et le sens de notre vie. Si. Il faut juste être un peu ouvert, sinon c'est du concret tous ces mots-là, je vous assure. Anne-Marie, dans quelques instants, elle va témoigner sur le sujet. Elle a envie de dire des choses. Elle dit, moi aussi, Sylvie, j'ai des cycles. Des domaines comme ça où c'est des cycles un peu négatifs, où ça ne va pas au niveau professionnel, au niveau amoureux aussi. Donc, je pense qu'elle aura des choses à vous dire et que vous pourrez lui donner des réponses, peut-être, des réflexions qu'elle pourra avoir sur le sujet. Vous avez trouvé le sens de votre vie, Marie-Luce, par l'astrologie, mais vous dites, mais j'aurais pu le trouver autrement. Donc, c'est là-dessus que je vais vous inviter à parler dans quelques instants. 070-23-33-23, SMS 30-63. Et si vous aussi, vous avez vécu des schémas, des événements à répétition comme ça, comme certains obstacles sur lesquels vous butiez sans arrêt et vous recommenciez, vous disiez cette fois, on ne m'y prendra plus, ça y est, je sais, j'ai compris. Et hop, non, vous n'avez pas compris puisque c'est à nouveau le même problème qui s'est présenté et la même non-solution que vous avez trouvée. 30-63, 50 centimes par message envoyé. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que la dernière tendance smartphone à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir est au contenu. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut, amis. Bienvenue dans la Ford Fiesta 40 Years Edition. Elle est généreuse et partage avec toi ses connexions Bluetooth et Sync. Reste cool grâce à la clim. Love, Ford Fiesta. Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 euros chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. En télé, sur la une. À qui profitent les centres commerciaux? On a appauvri le centre-ville. On a enrichi les centres commerciaux. Outre commerce sur Internet. Le paradis des bonnes affaires. Il suffit de cliquer. Centres commerciaux, la folie des grandeurs. Et achats en ligne, arnaque ou bonnes affaires. Question à la une, ce mercredi sur la une. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Marie-Luce Doche, elle est formatrice, elle est coach, elle est psychothérapeute, elle est auteure de ce livre Itinéraire d'une mission de vie. On parle des hasards, des coïncidences ou simplement des réflexions à se poser à un moment donné dans notre existence pour peut-être nous dire qu'on n'en prend pas la bonne direction. Genre, exemple, quand une personne vous dit, Marie-Luce, dites-vous dans votre livre, qu'elle a beau s'investir dans son entreprise, mais qu'elle rencontre toujours des obstacles, vous vous dites que sa mission de vie se trouve peut-être dans la famille ou dans un autre domaine d'activité que celui de son entreprise. Parfois, c'est dur à entendre, parce qu'il y a des gens qui s'obstinent mais jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout. Oui, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être qu'elle pourrait plus s'épanouir dans sa famille, mais peut-être aussi que le type d'entreprise dans laquelle elle travaille ne lui convient pas. Oui. Ou plus. Et que c'est un autre travail qui correspondrait beaucoup plus à qui elle est. Quand vous dites ça, quand la personne vous explique ça, elle vous dit ah non, c'est exactement ce que je veux faire. Non. Je dirais que très souvent, quand la personne vient en coaching, elle a déjà parcouru un chemin, donc elle est prête. Elle est prête pour le changement. À entendre. Elle est prête à entendre. Et je vais toujours lui poser des questions. C'est ce que je dis à tous les coachs que je forme dans mon institut. Nous devons poser des questions aux clients pour qu'ils trouvent leur solution à eux. Donc, à partir du moment où je lui pose une question et que la personne trouve sa solution à elle, elle est plus ouverte. Souvent, ce qui est difficile, c'est de se dire, oui, ok, bon, changer, mais comment je vais faire ? C'est ça. C'est pas évident. Bon, après cette obstination d'enfanter, donc, qui n'a pas porté ses fruits, vous avez trouvé un autre sens, une autre mission, enfin, votre mission de vie. Donc, vous saviez que c'était pas celle-là, donc vous recherchez une autre mission. Alors. Mais je me suis dit, à un moment donné, comme trois fois, je vivais exactement les mêmes événements, je me suis dit, trois fois, c'est trop. C'est plus le hasard. J'avais exactement les mêmes symptômes à 6 mois de la grossesse. Oui, on vous dit que c'est dans la tête, beaucoup. D'après les médecins, donc ils ne connaissaient pas à l'époque le problème. Donc à la troisième fois, ils ont compris que c'était ce qu'ils appelaient le syndrome de Penna-Shocker. Donc, mais les deux premières fois, on ne savait pas. Deux premières fois, on ne savait pas. Donc là, j'ai compris que je ne pouvais pas mettre au monde un enfant. Et peu de temps après, je me suis dit oui, ok, mais moi, c'était ma vie, avoir des enfants. Donc à quoi sert la vie ? Ça n'a plus aucun sens. Et j'étais tellement mal que j'ai dû me faire aider par l'extérieur. Et comme la vie quand même fait bien les choses, elle m'a fait rencontrer sur mon chemin des personnes qui m'ont orientée vers l'une ou l'autre pour comprendre ce que j'avais vécu et pour pouvoir transformer cette difficulté. Moi j'ai rencontré un astrologue à l'époque, mais j'aurais pu le faire sans l'astrologie. La seule chose, c'est que ça a été beaucoup plus vite, qui m'a fait comprendre qu'il semblerait que j'étais aussi venue sur la terre, pour les enfants, oui, mais aussi pour autre chose, et notamment travailler dans la psychologie et l'aide à l'autre. Mais ça, vous aviez déjà traversé l'esprit, ça ? Ça m'avait traversé l'esprit à 18 ans. Oui, j'hésitais entre être psychologue ou faire les langues. J'avais malheureusement fait le mauvais choix, les langues. Et lorsque cet astrologue m'a parlé de ça, ça a fait écho en moi. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'à 18 ans, je voulais faire la psychologie. Et à l'époque, mon entourage m'a beaucoup aidée en me disant, mais si ça te plaît, la psychologie, reprends des études, intéresse-toi. Et je me suis jetée à fond là-dedans, ce qui m'a permis de sortir de la dépression et surtout de trouver que ça me passionnait. Donc ça, maintenant, ça fait 27 ans que je fais ça, que je vis et que je sais que c'est ça. Oui. Anne-Marie, bonjour, bienvenue Anne-Marie. Bonjour Sylvie. Ça vous parle tout ça ? Ah oui, tout à fait. En entendant l'introduction de l'émission, je me suis dit, oula, ça me parle beaucoup parce que j'ai 52 ans. Au point de vue du travail, je pourrais dire que j'ai jamais eu de contrat à durée indéterminée. Ça a toujours été des contrats à durée déterminée. Et puis, dans mon couple, dans mes couples, ben, ça a toujours été la même chose aussi. Ça allait quelques années et puis je me retrouvais seule et ça m'est arrivé 3 fois. Donc, ça me parle beaucoup. Et je me suis déjà posé la question de me dire comment sortir de cet engrenage, de ce cercle, appelons-le comme on veut. Mais j'ai changé d'orientation professionnelle. J'ai fait une formation pour être familiale et puis j'ai repris une année pour être soignante. Et de nouveau, j'ai retravaillé comme aide familiale et puis au 28 août, plus de travail, au 1er septembre, plus droit aux allocations de chômage. Donc j'ai dû m'inscrire au CPAS et pour le moment, je travaille comme article 60 pendant 2 ans comme technicienne de surface dans ma commune. Et voilà, et puis après, de nouveau, c'est tout le temps. Quelqu'un comme Anne-Marie vient vous voir, Marie-Luce. Voilà. Oui. Déjà, je vous ai vu un peu froncer les sourcils en disant... C'est pas facile, hein. Pas facile. Bien évidemment. Non, là, c'est sûr qu'elle a l'impression que d'être dans un engrenage. Elle emploie ce mot-là on a l'impression, en écoutant, en effet, que ça n'ira pas mieux après, au contraire, quoi. Donc, à un moment donné, il faut essayer de faire un espèce de bilan, mais essayer vite de changer un peu tout ça. Oui, oui. Bonjour Anne-Marie. Donc, effectivement, je pense que quand on vit autant de changements que la vie met sur notre chemin, je pense à ça en vous écoutant Anne-Marie, peut-être que justement, on peut à certains moments se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Cette question que vous vous êtes souvent posée, mais moi la première chose que je fais en coaching, quand une personne vient avec ses difficultés, c'est tout de suite la remettre vers son objectif. C'est prendre une habitude à un petit peu 100 fois par jour, 1000 fois par jour si nécessaire, à se répéter ce qu'on veut. Donc c'est au lieu d'éviter telle difficulté, qu'est-ce que je veux à la place. J'entends aussi Anne-Marie que vous avez cherché quel était le point commun par exemple par rapport au travail, pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça s'arrête, puisqu'à un moment donné elle s'est réorientée, Anne-Marie. Maintenant, pourquoi vivre ce type de difficulté et pas d'autres? Ça, je ne sais pas. Je pense que même parfois, la personne n'a pas la réponse bien claire en elle. Par contre, ce qu'on a en nous face à ces difficultés, c'est à un moment donné de se dire si je ne peux pas changer certaines choses extérieures à moi, comment est-ce que moi, je peux me changer à l'intérieur de moi pour que je puisse rebondir? Bien. Voilà déjà un premier témoignage, Anne-Marie. Merci. Écoutez l'émission, peut-être que ça va... Ça va, je ne sais pas, susciter certains déclics chez vous. 3063, si vous souhaitez vous aussi témoigner. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. La Pro League. La Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, l'année de la diversité à Bruxelles. Et les Mix City Awards viendront récompenser les meilleures initiatives bruxelloises dans le domaine de la culture, l'événementiel, l'éducation et les sports. Plus d'infos sur mixcity.brussels. Inscription avant le 31 octobre. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique. Le week-end des 15 et 16 octobre, de 11 à 18 heures, vieux chemin de Grupon à Bure. Étienne Piron, symbole de qualité. Chérie ? Oui ? Je vais au Yacht Wash. Au quoi ? Au Yacht Wash. C'est comme le car wash, mais pour le yacht. Ah oui, le yacht. Tu demandes pour le faire simoniser, hein ? Oui, bien sûr. Ce mardi, méga jackpot de près de 166 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right.

Marie-Luce Doche, auteure d'Itinéraire d'une mission de vie. Vous êtes cofondatrice de l'Institut de formation en PNL humaniste, en coaching professionnel. Vous formez des coachs, mais vous êtes vous-même psychothérapeute et coach. Vous racontez votre histoire dans ce livre, encore une fois, ce désir d'enfanter, cette raison, cette mission de vie que vous vous étiez fixée. Et puis après trois tentatives, on va dire, vous arrêtez cette obstination d'enfanter. Là, vous vous dirigez vers autre chose. Trouver sa mission de vie, dites-vous, peut prendre du temps. La mission de vie ne se révèle pas d'emblée, mais vous dites qu'il y a certaines personnes qui identifient très tôt leur mission de vie. On vient d'en parler hors antenne, on se dit, c'est rare quand c'est même. C'est rare. Il faut expérimenter en général oui, avant. Oui, mais certaines personnes très jeunes ont beaucoup de maturité ou une certaine conscience, une certaine ouverture peut-être, ou peut-être un peu plus de chance que d'autres. Hein. Il repère du premier coup. Évidemment, plus tôt on repère sa mission de vie, plus... Moins on perd du temps. Moins on perd du temps et plus c'est confortable et passionnant. Vous dites aussi qu'il y a certaines coïncidences qui se mettent sur notre route, à un moment donné où on a envie de faire un choix, en tout cas où c'est plus qu'une envie, où on décide de faire un choix. Vous, c'est la coïncidence de la thérapie qui s'est mise sur votre route. Vous dites, quand j'ai été prête à changer de direction. Oui, oui. Je pense que si j'avais vécu la même chose quelques années plus tôt, je n'aurais rien compris. Je dis toujours, moi, grâce à ces événements, bon, pas au moment où je les ai vécus, mais des années après, je me suis dit, mais merci, merci la vie, parce que qu'est-ce que j'ai changé? Avant, j'étais beaucoup dans le paraître. Oui. Grâce à ces difficultés, j'ai appris qui je suis, quel est le sens de la vie, quelle est l'importance du respect de soi, du respect de l'autre, de plein de valeurs très riches qui, avant, ne faisait pas partie de ma vie. Donc il y a une avant, Marie-Luce. Oui, avant et après. Ouais. Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain et je le souhaite. Je ne souhaite pas à tout le monde de vivre des difficultés, mais je souhaite à tout le monde, au travers des difficultés, de chercher à en faire quelque chose de positif. C'est la fameuse résilience. Oui, hein. C'est cette capacité que nous avons tous en nous, mais qu'on peut plus développer grâce à l'accompagnement d'un coach ou d'un thérapeute ou d'un bon livre ou d'une bonne émission radio. C'est toujours partir du principe qu'on a en nous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rebondir. La seule chose dans la vie, c'est que parfois ça prend du temps, parfois c'est plus difficile, et parfois on rebondit pour retomber, et on aura besoin de rebondir encore plusieurs fois, un peu comme Anne-Marie le disait. Et il faut être très courageux dans ces moments-là, mais moi je crois aussi ne jamais perdre l'espoir, parce que je ne crois pas qu'on nous fasse vivre des difficultés si on n'a pas en nous les ressources pour s'en sortir. Oui, et en plus, je trouve qu'on vit dans un monde merveilleux, on a quand même beaucoup de choses à notre disposition. Si on les regarde, si on les voit, oui, si elles ne sont pas noyées dans tout le reste, ça c'est sûr. Amine, bonjour, bienvenue Amine. Oui, bonjour Sylvie. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Vous vous cherchez toujours, vous dites dans votre message. Oui, voilà, en fait j'ai 26 ans et donc j'avais entamé des études de compta et donc ça a arrêté en 3e année parce que ça ne me plaisait pas vraiment. Et peu au-delà de là, donc j'ai arrêté, j'ai travaillé. Puis en travaillant, je me disais pas ce que je voulais, donc j'ai rentré encore des études. Et par après encore, j'ai arrêté, j'ai encore retravaillé, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que je tourne sur moi-même. Et j'ai peur d'arriver à 30 ans et que je me dis, voilà, j'ai rien fait dans la vie et j'ai aucun bagage. Bonjour Amine. D'abord, je voudrais quand même rectifier. Je ne crois pas que vous n'avez aucun bagage, bien au contraire, hein, puisque vous avez quand même tout l'acquis de ces formations, même si vous n'allez pas au bout. Et je dirais, vous me faites penser à beaucoup de personnes que je reçois en coaching, et je pense que tous les coachs connaissent ça. Très souvent, la personne sait ce qu'elle ne veut pas ou est-ce qu'elle ne veut plus. Et à partir de là, on peut construire. Et moi, une question que je pose toujours, c'est en quoi c'est important, par exemple, je vous poserai si vous venez en coaching, en quoi c'est important pour vous de travailler, en quoi c'est important pour vous, je ne sais pas, de faire tel ou tel métier. Et ce que je conseille aussi souvent aux jeunes, parce que vous êtes encore jeune malgré tout, c'est d'aller revoir un peu dans les passions d'enfance aussi, dans ce à quoi on s'intéresse même en dehors du travail, pour repérer des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Il y a des passions d'enfance, Amine? Je vais devenir médecin. Comment? médecin? J'ai la passion. Ouais, voilà, 9 ans. C'est un peu. Mais un peu loin de là. Mais alors, là, demandez-vous, Amine, en quoi c'était important pour vous d'être médecin? Pourquoi vous aviez envie d'être médecin? Parce que mon père était infirmier, et donc, pour ne pas le décevoir et tout, je voulais être un peu à l'air. À part avoir le métier plus haut que lui. C'est ce que lui voulait. Mmh. Oui. Seulement, je n'ai pas atteint ce point-là. Donc, je veux dire, je n'avais pas de niveau pour devenir médecin. Oui, oui, oui. Mais au-delà de ça, hein, au-delà donc de par rapport à votre père, en quoi ça aurait pu être important pour vous d'aider les gens à travers de la médecine? Bon, on va mener la réflexion un peu plus longuement hors antenne, Amine, mais je pense qu'il faut, il y a des questions en effet à se poser. C'est bien, je trouve, 26 ans et pouvoir prendre la parole à ce sujet. Et naturellement dire ce qui est. Oui. Voilà, sans, et surtout vraiment bien se rappeler qu'il ne part pas de rien, il a déjà beaucoup de choses. Il n'a pas encore trouvé le moyen de l'exprimer, mais il a déjà beaucoup de choses. Et chercher à faire le point commence entre ces différentes choses. Merci Amine. 070 23 33 23 SMS 3063. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Disons, 2 enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Non, parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Hé, hey, bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Vivacité La Une et Ouf TV présentent le Festival International Nature Namur. Du 14 au 23 octobre, la nature est un spectacle. Venez partager les meilleurs films et photos nature de la planète à la Cinépolis et dans la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be avec la Wallonie, la ville et la province de Namur. Vous avez entendu parler de Monde Positif? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Grâce à vous, un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 5 552 026 euros. Et vous pouvez continuer à verser sur le compte BO35, 8 x 0, 37, 37. Bonsoir. Avec le soutien des Lions, Proximus et Ring Ring. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hatsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Un budget. Un projet. Profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Info verandaconfort.be. Viva, vivacité. Y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et y en a qui voudraient. Thank you. en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient, d'autres qui prieraient, ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir, et d'autres qui voudraient. Un sous-titre à oui, votre livre. Hein. Tout à fait. Ouais, itinéraire d'une mission de vie. Si tu devais mourir demain, et toi, qu'est-ce que tu dirais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est une grande question. Bah, justement, en parlant de ça, je viens de vous dire hors antenne que j'aimerais bien que vous développiez un peu cette notion de libre arbitre que vous utilisez quand même assez souvent oui, dans votre livre, en disant « J'ai utilisé mon libre arbitre pour dessiner mon itinéraire de vie. » Oui. Donc pour moi, le libre arbitre, c'est le fait de ne pas croire que je subis les événements et que je n'ai aucun pouvoir dans ma vie. Donc face aux événements, il y a des choses que je ne peux pas changer. Donc ces choses que je ne peux pas changer, je vais lâcher prise, mmh, puisque elles sont, c'est le principe de réalité. Je l'enseignais justement ce week-end dans une formation. Donc les choses sont, je ne peux pas les changer. Par contre, j'ai la possibilité de me responsabiliser sur la manière dont je vais réagir face mmh, aux événements. Pour moi, ça c'est le libre arbitre. C'est vraiment apprendre à revenir beaucoup plus en soi et à rechercher ses forces, ses qualités, mais aussi ses envies, ses désirs. Et donc le libre arbitre, à un moment donné, dit « j'ai le choix de subir » ou « j'ai le choix de redresser les manches mmh, et de faire ce qu'il faut pour améliorer ma condition de vie. Voilà pour et j'ai aussi le choix de le faire seul ou de me faire accompagner si c'est trop difficile. » Bien sûr, développer votre libre arbitre vous a obligé donc à faire vos propres choix et donc à vous responsabiliser. Vous dites aussi « je me réfère toujours à mes émotions pour savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. » Oui. Oui, donc je réfléchis, j'analyse, je demande parfois aussi l'avis d'autres personnes. Et puis après, je me mets plutôt dans un espace de silence où je ne suis perturbée par rien. Et je m'imagine vivant mon choix au quotidien, pendant des jours, des mois, des années. Et si je me sens bien, si ça m'apporte de la joie, du plaisir, c'est ça mes émotions, hein, c'est comment je ressens les choses. À ce moment-là, je me dis j'y vais. Et même si ce n'est pas mon dernier choix, mais en attendant, j'aurais eu plusieurs mois ou plusieurs mmh, années de bonheur. Bon, ben voilà, Marie-Luce Doche qui croit qu'un des secrets d'une mission de vie réussie, c'est de bien se connaître pour faire les meilleurs choix, pour poser les meilleurs actes. Vous dites, je pensais me connaître, mais il me manquait encore certaines clés. Ça prend du temps d'introspection, d'expérimentation pour tirer ensuite l'enseignement. Ce n'est que quelques années plus tard que vous avez trouvé aussi une méthode bien plus rapide pour qui veut se connaître, qui je suis, quels sont mes critères, ce qui est important pour moi, de quoi ai-je besoin pour réaliser mes objectifs. Est-ce que ce sont des questions que vous êtes déjà posées? Peut-être si vous êtes dans un engrenage, comme l'a signalé tout à l'heure Anne-Marie, si vous êtes dans quelque chose qui coince, voilà, dans un domaine de vie qui coince, que ce soit le domaine amoureux, que ce soit le domaine professionnel, le domaine privé. Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions déjà? 3063 pour nous le dire. Remains Itinéraire d'une mission de vie. Marie-Luce Doche est notre invitée. Vous parlez des peurs, bien sûr, des obstacles, des difficultés qui sont toutefois inévitables. Pourquoi vous dites aller dans le sens de notre mission apporte des opportunités. Oui, mais n'oublions pas que notre nouvelle mission de vie représente un peu l'inconnu, ce que nous avons peu pratiqué. L'inconnu fait peur. L'inconnu rend maladroit. Même s'il est humain d'avoir peur de l'inconnu, ne laissons toutefois pas grandir notre peur jusqu'à en être paralysé. Ben il faut aller bien au-delà. Il y a les bonnes peurs et les mauvaises peurs. Ah. La bonne peur, c'est celle qui me dit ne fais pas n'importe quoi. Oui. Et la mauvaise peur, c'est celle qui m'empêche d'avancer et qui, 8 fois sur 10, ne se produira pas. Mais en même temps, il y a aussi l'envie de relever des défis. Ah oui. Moi, face à une peur de l'inconnu, je me dis, waouh, quel beau défi à relever. Et c'est aussi la joie de vivre qui fait que parfois, enfin pas parfois, souvent, on va au-delà de ses peurs. Et après, c'est ce qui construit la confiance en soi. Après, je peux me dire, waouh, j'ai réussi à dépasser ma peur et à réaliser cette chose, donc quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours. Derrière toute peur, il y a un désir. Peur est là pour m'indiquer quel est mon désir, dites-vous, et la peur est saine parfois. Vous venez de le dire, il y a des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Imaginons que nous marchions au bord d'un précipice, on s'approche tellement du bord, là c'est normal, là c'est un peu l'instinct. Mais il y a des peurs saines, voilà, des peurs malsaines, des peurs saines. On aura l'occasion d'en reparler juste après le flash de 14h. Mission de vie, quelle est peut-être la réflexion que vous avez menée quand vous étiez pris dans un engrenage infernal, dans un des domaines de votre vie professionnelle, privée, amicale, sociale, quel qu'il soit. 30, 63, 50 centimes par message envoyé. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. À suivre aussi sur Vivacité dans 5 à 7 à 18h30. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue. 736 74 36. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon? C'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein? Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Volkswagen. Mais salut, dis, comment tu vas? Bien, merci monsieur. Et vous-même? Bah écoute, ça va pas mal. Il paraît que tu fais la polo à prix d'un mille à 9 890 €. Oui. Ah bah je me suis dit, tiens, j'irais bien rendre visite à mon ami Thierry. C'est Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Et comment tu vas, Jean-Pierre? Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 9 890 euros. Prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Profitez maintenant de l'internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Excellent d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 14h. Et c'est David Riffon qui nous informe. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. La rentrée parlementaire, c'est dans un quart d'heure, 14h15 à la Chambre. Une heure entrée, oui, mais pas de déclaration de politique générale de la part de Charles Michel. Elle est reportée. Le CDNV a calé la nuit dernière et semble décidé aujourd'hui encore à maintenir sa ligne dure. Pour les chrétiens démocrates flamands, il faut instaurer une taxe sur les plus-values d'action. C'est là une des réformes essentielles selon ce parti. L'opposition exige des explications de la part du Premier ministre sur la crise que traverse son gouvernement et réclame sa présence à la Chambre. Dans le reste de l'actualité, le tunnel Arlois à Bruxelles a été fermé en direction du centre. En cause, une fissure dans le revêtement de la chaussée, selon Bruxelles Mobilité. Les dégâts vont être réparés assez rapidement. On ignore encore quand le tunnel sera rouvert, mais cela pourrait prendre tout de même quelques heures. Fausse alerte ce matin à Molenbeek, un appel anonyme a signalé la présence d'une bombe au sein de l'école communale numéro 9. 300 enfants ont dû quitter les classes précipitamment. Les écoliers ont dû attendre pendant deux bonnes heures le temps de vérifier les locaux à l'aide notamment d'un chien pisteur. Il s'est révélé qu'il s'agissait là d'une nouvelle fausse alerte à la bombe. L'arrêt de la commercialisation du Galaxy Note 7 va coûter très cher au groupe Samsung, plus de 15 milliards d'euros. Le géant sud-coréen a dû rappeler pour la seconde fois ce téléphone mobile haut de gamme avant de se résoudre à le retirer définitivement. Ce chiffre de 15 milliards correspond aux ventes que Samsung pouvait espérer réaliser durant le cycle de production du Note 7 qui n'aura pas eu le temps d'être lancé en Europe. Sa production a été stoppée donc définitivement en raison du risque d'explosion de sa batterie. Les 1200 Belges qui avaient déjà passé commande vont être remboursés. Cette information service, si vous roulez au diesel, faites le plein encore cet après-midi et ce soir. Dès demain, les prix augmentent, plus de 2,6 centimes et un prix maximum de 1,27 euros le litre. Hausse également pour le mazout de chauffage, son prix maximum s'élèvera dès demain à 0,55 euros pour les commandes de plus de 2000 litres, une hausse de près de 3 centimes. La météo cet après-midi, éclaircies et nuages vont alterner, mais le temps va rester sec. Les maxima, comme hier, entre 8 et 13 degrés. RTBF Mobile Info, Amandine Aymar, des ralentissements sur la E42 Prume-Bâtisse. Et oui, c'est suite à des travaux. Il y a des files entre Lambermont et Dizon, c'est en direction de Bâtisse. Vous ralentissez aussi au poste frontière sur le 17 Gand-Lille. On relève des files entre Albeek et Neuville-en-Ferrin. Comptez 15 minutes supplémentaires vers la France. Et puis un radar est signalé sur le 40 Bruxelles-Liège entre Tirlemont et Linsan en direction de Liège. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je passe la parole à Sylvie Honoré pour la suite de La Vie du Bon Côté. Merci David. L'info revient à 15h. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums apéros qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Marie-Luce Doche, auteure de ce livre itinéraire d'une mission de vie. Vous êtes cofondatrice d'un institut de formation en PNL humaniste et en coaching professionnel, psychothérapeute, coach. Et je vous avais reçue en 2012, c'est possible. Oui, le temps passe très vite. Pour ce que vous devez savoir pour attirer l'amour. Chris vous dit sur la page Facebook, bravo Marie-Luce pour ce nouvel ouvrage de partage et toute la réflexion que cela suscite. Merci pour ta disponibilité et la lumière que tu apportes avec tes expériences. qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'il se passe dans notre propre vie. Voilà. Merci Christophe. À bientôt Chris. Dominique nous écrit, nous devons porter à notre conscient tous les process inconscients de notre cerveau. Les croyances limitantes est un bon début. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en introduisant le sujet dans votre livre, vous parlez de votre expérience personnelle, cette obstination d'enfanter, encore une fois, c'était l'unique sens de votre vie, c'était presque votre seule raison d'exister, c'était la mission, on peut déjà parler de mission. Que vous vous étiez fixé, ne pas avoir d'enfant allait par conséquent être source de grande souffrance pour vous, vous le dites dans votre livre, et qu'est-ce que je vais devenir quoi. Oui. C'était vous auriez pu, je pense, mettre fin à vos jours. À un moment donné, vous le dites. Et ce qui vous a fait rebondir, ce qui vous a empêché de mettre fin à vos jours, c'est cette autre mission. Vous êtes projeté dans une autre mission, dans une nouvelle mission de vie professionnelle. À ce moment-là, c'est ça qui vous a sauvé. Tout à fait, tout à fait. Vous n'êtes pas consciente tout de suite de ça. Non, c'est avec le recul, bien entendu. C'est avec le recul. Je me suis d'abord demandé, donc une question que les auditeurs peuvent se poser quand ils vivent une difficulté, c'est est-ce que j'ai déjà vécu ce type-là de difficulté et quels sont les points communs? Les similitudes dans les événements. Et le fait qu'il y ait des similitudes, moi, m'a permis de comprendre qu'il y avait des freins, que ça n'allait pas se passer comme je l'avais envisagé au départ. Mais quelles étaient les similitudes antérieures ? Donc les similitudes, c'était que les enfants mouraient à 6 mois et demi, 7 mois de la grossesse, et ça s'est produit plusieurs fois. Donc dans ces événements que j'ai vécu, comme il y avait exactement la même chose qui se reproduisait, je me suis dit, là, il y a un signe, il y a quelque chose à comprendre. Et quand j'ai compris que je n'arrivais pas à avoir d'enfant, je me suis dit, mais si la vie ne me conduit pas vers ça, j'ai probablement autre chose à réaliser. Et j'ai quand même pu avoir un enfant grâce à ma fille que j'ai adoptée. Mais ce que j'ai surtout compris, c'est que je ne devais pas mettre toute mon énergie uniquement dans ce projet. Et en me lançant dans le projet professionnel, où là, je me suis aussi posé la même question. Tiens, j'ai vécu plusieurs moments dans ma vie que j'aimais bien. Qu'est-ce que j'aimais bien? Bon, j'ai découvert que c'était la psychologie. Et je me suis dit, à ce moment-là, je vais me lancer dans un domaine qui me passionne. La psychologie, j'ai repris des études, j'ai énormément lu. Et toutes ces choses me nourrissaient, en fait, en positif. Et puis, ce qui était génial, c'est que un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, mais en quoi c'est important pour toi d'avoir des enfants? Et il m'a reposé cette question. Il me l'a reposé. Et puis, finalement, j'ai trouvé que ce que je recherchais aussi, donc en dehors du fait de pouvoir vivre cette maternité, c'était de pouvoir transmettre à un être des choses, de pouvoir l'aider à devenir adulte et voler de ses propres ailes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je peux faire ça autrement qu'en ayant des enfants. Et c'est comme ça que j'ai trouvé donc à l'époque la psychothérapie et puis après le coaching. Et que maintenant, j'ai ce grand bonheur de former des coachs qui font cet accompagnement-là aussi. Je vais mettre les coordonnées de votre livre, bien entendu, sur la page Facebook de l'émission. Vous dites en effet dans votre livre que la question, lorsqu'on rencontre, et c'est un petit peu ça que j'ai envie de poser aux auditeurs, lorsqu'on rencontre un obstacle, on doit se poser cette question, est-ce que je vis cette difficulté parce que je m'obstine, parce que je suis trop attachée? Si je me rends compte que je suis trop obstinée, je sais que ce comportement m'apportera encore plus de souffrance. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment la question que j'ai envie de poser aux auditeurs, aux auditrices. Par rapport aux similitudes aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, même en nous écoutant aujourd'hui, ils se disent « Ah bah oui, c'est bien sûr, quoi. » Oui. C'est comme ça, parce qu'on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient. On a le nez dessus, on est trop impliqué. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Donc s'arrêter, prendre le recul et dire quels sont les points communs entre ces différentes choses. Entre ce que je vis, en effet, et peut-être déjà avoir une petite accroche en disant « Mais qu'est-ce que je souhaite derrière ?» Oui. Quel est un petit peu, comme vous venez de le dire, le fait d'avoir un enfant, c'était surtout pour la transmission, pour transmettre. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui, finalement, fait que je m'obstine? Qu'est-ce que je souhaite, moi, au plus profond de moi? 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir, je mets donc les références du livre « Itinéraire d'une mission de vie » sur la page Facebook, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup surligné, voilà, j'ai beaucoup lu et relu certains passages qui m'accrochaient plus que d'autres. Voici Cocoon. Strawberries, gentilly cream, gingerbread, for every meal, chili dogs, a soccer team running up and down the hill. We un petit refrain estival. Alors on aime bien, on prolonge l'été avec Cocoon sur Vivacité. Croyez-vous au hasard ou bien interprétez-vous certains événements de votre vie comme des coïncidences? Marie-Luce Doche qui raconte dans son livre qu'elle a vécu des événements répétitifs et douloureux, que des similitudes lui ont fait penser que la vie lui envoyait des signes, qu'elle n'était pas sur le bon chemin, qu'elle devait changer de mission de vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que après avoir vécu des événements répétitifs et douloureux, vous vous êtes projeté dans une autre mission de vie? Est-ce que vous avez dû passer par des événements répétitifs et douloureux? Parfois peut-être qu'on est sur la bonne voie, la bonne mission tout de suite. C'est rare, mais ça peut arriver. Et c'est très agréable. Oui, j'en connais. Notamment dans ma famille, oui. Un jeune qui, depuis qu'il était gamin, il savait ce qu'il voulait faire. Il l'a réalisé. Il n'en a pas changé. Il n'en a pas changé. Et ça lui réussit. Et ça lui réussit très très bien. Et il a bien fait de ne pas écouter ceux qui lui disaient « Mais enfin, tu es fou, avec quoi tu viens ?» Ça c'est bien. Oui. Parce que Gauthier, dans un instant, va témoigner. Il nous envoie ce message-là. « J'ai, Sylvie, avec un ami, un grand projet, un rêve. On y croit, mais il y a des peurs. » Il y a des peurs, nous devons dépasser nos peurs. Donc voilà, c'est à Gauthier qu'on s'adressera dans quelques instants. Il y a d'autres qui, à mon avis, peut-être, ont déjà vécu ou vivent la même situation. 070 23 33 23, SMS 3063. En télé sur la Une. Ils sont de retour pour une ultime saison. L'heure est venue de tirer sa révérence. Si dès le départ, je n'avais pas estropié la machine, elle aurait peut-être eu une chance de vaincre Samaritain. Les dés sont jetés pour les trois premiers épisodes de Person of Interest, saison 5. Mardi soir sur la Une. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Vivacité présente. Bonjour. Entrez. Ah, bienvenue. Venez. Je suis là. Qui c'est? Ces 15 et 16 octobre à Dizon, Verviers, Astières et Colfontaine, partagez la passion de ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie. Découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Info sur walloniebienvenue.be, une initiative de la Wallonie avec la Une soirée cette dimanche. Le plus impatient des réseaux présente. Ah, attends. Quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la Lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le plus impatient des réseaux présente. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Sortez votre appareil photo ou votre smartphone et faites-nous voyager. Métro Photo Challenge, le plus grand concours international de photographie est de retour. Partagez vos plus beaux clichés de voyage et tentez votre chance de gagner une expédition exceptionnelle sur l'île de Pâques et de super prix. Prêt pour relever le Métro Photo Challenge? Surfez vite sur metrotime.be et participez jusqu'au 25 novembre. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon, le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9€ avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec Marie-Luce Doche, avec vos témoignages, avec des peurs maintenant qui sont exprimées. Gauthier, bonjour, bienvenue Gauthier. Bonjour. J'aime bien ce genre de message. Vous êtes jeune, Gauthier? Relativement, 37 ans. Vous avez un projet de vie avec un ami, vous y croyez beaucoup, c'est un rêve en plus. Un rêve plus de qui? C'est difficile à expliquer, on va dire qu'un rêve commun. Ouais. Et les peurs, quelles sont-elles les peurs? Pourquoi vous souhaitez qu'on vous aide pour les dépasser? Les peurs, c'est de se rendre compte que les gens autour de nous, j'écoute souvent votre émission, vous parlez souvent de... zone de confort. Et dès qu'on sort un petit peu de cette zone de confort, les gens autour de nous nous y repoussent, en fait. Comme pour dire, reste dedans, ça fonctionne, c'est évident et ça nous empêche un petit peu de croire en nos rêves et d'avancer. C'est frustrant, en fait, c'est frustrant. Ah oui, Marie-Luce. J'ai envie de dire, il ne faut pas trop les écouter, les gens. Il faut les écouter un peu, quand même. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, quand on a comme ça un rêve, mais il faut écouter son rêve et il faut suivre son étoile. Ça fait partie, je crois, de la mission de vie. Et au début, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que je risque? Quelle est la pire des choses qui puissent m'arriver si je me lance dans ce rêve? Et si je peux gérer le pire, à ce moment-là, rien ne peut se produire. Et ça me fait penser à quelqu'un de jeune dans ma famille qui avait un rêve depuis qu'il était tout gamin. Donc en lien avec les voitures de luxe. Et depuis toujours, il disait, quand je serai grand, je ferai ce travail-là. Et même si son entourage le dissuadait en lui disant, mais tu es fou, ça n'existe pas, personne ne va faire ça. Lui disait, si, c'est mon rêve et c'est ce que j'aime. Et il l'a fait. Et je peux vous garantir que même des années après, il ne le regrette pas, bien au contraire. Donc je crois qu'écouter les autres qui font ça pour notre bien, hein, ils veulent nous protéger, on peut le faire un peu, mais à un moment donné, ce sont des signes de la vie, je crois, hein, cette envie qui est très forte, et ce serait vraiment dommage de ne pas les suivre. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, Gauthier, pour aller au-delà de ça, quoi? Est-ce qu'il faudrait un déclic? Est-ce qu'il faudrait une assurance? L'assurance, en fait, maintenant, je pense qu'on l'a, mais avoir des témoignages comme la personne que vous avez là auprès de vous, qui vous fermez les yeux, vous vous imaginez et vous vous portez bien dans ce projet. Et c'est pour ça que je vous remercie. C'est sympa, ça me donne la force de ne pas croire les gens qui veulent, entre guillemets, notre bien. Oui. Voilà. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose rapidement? Partez du principe que les gens qui vous disent ça, ils ont peur. Ils ont peur pour vous, en fait. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, pour les rassurer, parlez-leur plutôt de tout le bien que votre projet va vous apporter. Et peut-être voir aussi de quoi ils ont peur exactement. S'ils ont une peur financière, rassurez-les. Si vous vous occupez de l'aspect financier de votre projet, que vous ferez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, puisque c'est votre objectif aussi. Je sais que vous êtes toujours la Gauthier. Hein. Je sais que Marie-Luce, que vous êtes très attentive, très à l'écoute de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va se mettre en place. Une fois, vous dites ça, une fois qu'on a choisi sa mission de vie, oui, faut être vraiment attentif. Oui. Est-ce que vous l'êtes, Gauthier, depuis que vous avez ce rêve avec votre ami? Est-ce que vous êtes attentif à tout ce qui vient vous aider à vouloir aller jusqu'au bout? Disons que ce qui est spécial, c'est que je ne peux pas imaginer, en fait, qu'il y ait une autre suite à ma vie que ça. Ah oui. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui. mais donc, soyez très ouverts aux personnes que vous allez rencontrer, à quelque chose que vous voyez, que vous entendez. Il va y avoir, à mon avis, plein de signes sur votre chemin. La vie est bien faite en général, hein, quand on est sur le bon chemin. Ben, on espère, hein. Oui, bien sûr, je crois. On espère pour vous, Gauthier. Ok. Je ferais aimer votre réflexion de dire que on est incapable. Si la vie vous met face à des obstacles, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Oui. C'est très très beau comme phrase. En général, elle nous donne les deux. Ah. Elle nous donne et l'expérience et ce qu'il faut pour traverser au travers de ça. Vous donnez des chouettes exemples dans lesquels on se retrouve, évidemment. Je lis celui-ci, page 53. Imaginons que je réalise un projet de vacances et que mes vacances ne soient pas satisfaisantes. Je pourrais dire, comme beaucoup de personnes, oh, mes vacances sont un échec. J'aurais tort de parler ainsi. En réalité, j'ai vécu un apprentissage. J'ai appris que ce type de vacances ne me convenait pas. Évidemment, pour savoir quelles vacances me conviennent, je dois me connaître et donc découvrir ce qui me plaît. C'est en me questionnant, en faisant d'autres activités, que je vais trouver les vacances idéales pour moi. J'ai surligné trois fois. Oui. Parce que je dis, on est tous comme ça. Oui. On va vivre un truc, en effet, une expérience. On va changer de trajectoire, on va dire, pour un projet de vacances. On va dire, oh là, quelles vacances de... ça n'a pas été... Mais non, en fait, ça me convenait pas. Ça ne me convenait pas. Je l'ai fait, pas. Maintenant, voilà. Je sais que ce n'est pas oui, ça. Quoi. Oui, oui. Donc, dorénavant, je choisirai un autre type de vacances. Oui. Et je ne vais pas retourner dans le même type non, de vacances. Ben non, oui. Et surtout pas m'en plaindre, puisque quelquefois c'est un choix. Et j'ai appris. Et j'ai appris, appris. Voilà, oui, j'ai appris, fait, j'ai appris. 070 23 33 23, SMS 30 63. Vivre, c'est prendre des risques. Ça aussi, vous le dites, je répète souvent cette phrase aux personnes que je rencontre. Prendre des risques ne signifie pas toujours être en danger. En prenant le risque d'agir autrement, vous pouvez finalement être beaucoup plus heureux. Voilà, une belle phrase aussi qu'on retient après cette merveilleuse chanson de Barbara Streisand. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It's a ride I defend over and over again. What do I do? With you j'aime bien. Oui, moi j'adore Barbara Streisand. Barbara Streisand avec Woman in Love. Gauthier qui nous a parlé. On sentait qu'il était dans une bonne énergie, Gauthier. Hein, oui, vous et moi. Oui, oui. En antenne, on s'est dit Gauthier, il avait une belle voix. Et je pense qu'il est dans un cycle très, très porteur pour son projet. 37 ans, c'est un âge important. Un âge important. Gauthier, retenez, c'est un âge. On vous a, un, senti dans une bonne énergie. Deux, apparemment, vous êtes dans le bon cycle. Et trois, vous dites, j'ai relevé ça aussi dans votre livre, j'ai pris des risques, dites-vous, pour suivre ma mission de vie. Je n'avais pas la garantie que le développement professionnel serait le choix parfait. Je pouvais cependant tenter l'expérience. De toute façon, je n'avais plus rien à perdre. Non. Et puis, tout ce que je risquais, c'est d'être mieux après. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Ouais, et la garantie... Moi, je pense que le fait de rebondir sur un événement difficile, ça, c'est la meilleure garantie. Ouais. Parce que c'est ce qui nous apporte la nouvelle sécurité. Parce que si je rebondis sur les événements, je me dis, puisque je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire. Mmh, et c'est ça, la sécurité. Ouais, Sécurité 100% n'existe pas dans la vie. On vient d'en parler en antenne aussi. On connaît tous, toutes les deux, des personnes qui ont eu des burn-out. Oui. Et qui nous ont dit, oui, que c'est grâce à ça que j'ai changé ma vie après. Oui. Il y a eu l'avant, il y a eu le stress, il y a eu le surmenage, et je me suis mise par choix. quelque part, c'est moi qui l'ai voulu aussi. Je me suis laissée entraîner, oui. En tout cas, et aujourd'hui, je sais ce que je veux. Parfois, inconsciemment aussi, hein, oui. Le tourbillon de la vie fait. Oui. Mais après, on ne sait pas dire non. Non. Mais après, elles comprennent. Voilà, oui. Voilà. Pourquoi? Donc, là, elles ont rebondi par rapport à des événements comme ceux-là. 070 23 33 23, SMS 30 63. Je vois le message d'une personne qu'on va accueillir dans quelques instants qui nous écrit « Les obstacles font de moi, Sylvie, la femme forte et fragile en même temps que je suis aujourd'hui. À 45 ans, mon projet de vie est d'assumer mes propres choix. » J'aime bien. Ah, c'est beau. J'aime bien. C'est Lucie. Voilà, Lucie, on vous écoute dans un instant par rapport à ça. Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Nicolas, arraché tragiquement au sien par un malheureux accident de la route. Voici ses derniers mots. J'arrive dans 5 minutes, réchauffe le poulet, hashtag miam. Écrire un message au volant, c'est peut-être écrire ses derniers mots. Alors restons concentrés sur la route. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de la WSR, l'agence wallonne pour la sécurité routière. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le cactus de Jérôme, c'est tous les matins à 8h15, précise. Précise quoi ? Eh ben précise que le cactus est à 8h15, précise. 8h15 ? Ben précise, oui. Et là, il est quoi ? 8h15 ? Eh ben vous voyez bien que non. Eh ben j'ai rien à faire ici, alors si c'était vous préciser que je m'en vais. À demain ! À 8h15, précise ! Quelle heure ? 8h15, bon sang ! À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/maisonblanche. À suivre aussi sur Vivacité dans 5 à 7 à 18h30. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Dans mon magasin de Roycebrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. C'est illégal. Voir conditions en magasin. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Marilus Doche, je mets en ligne votre site internet parce que beaucoup de personnes nous redemandent votre nom, nous redemandent le titre de votre livre. C'est sur Amazon hein, qu'on peut le trouver. Sur Amazon, oui. Itinéraire d'une mission de vie. Marilus Doche, ça s'écrit D-O-S-S-C-H-E. Et vous dites, et là aussi j'ai envie de le lire, ma mission de vie m'a enseigné les critères et les valeurs qui me conviennent. Ce sont des repères que je vais pouvoir utiliser dans mon itinéraire. J'ai expérimenté ce qui me rend des malheureuses. Je sais que je peux éliminer cela au maximum de ma vie. Je vais remplacer ces moments et ces choix négatifs par les critères qui sont miens aujourd'hui. Et donc, ma vie sera plus agréable. Voilà, encore une fois, c'est l'avant, l'après. Lucie, bonjour, bienvenue, Lucie. Bonjour. 45 ans. Oui. Les obstacles font de moi la femme forte et fragile que je suis devenue. Oui, disons que suite au décès de mon mari, il y a une dizaine d'années de ça maintenant, j'ai posé des autres choix de vie. J'ai rencontré quelqu'un très vite et je me suis retrouvée devant un obstacle au niveau de la famille, au niveau des amis. Voilà quoi. Et si je me dis que si j'avais pas eu ces obstacles-là à ce moment-là, ben je ne serais pas épanouie comme je le suis maintenant, mais en vivant mes choix. Et c'est un projet pour lequel je me bats chaque jour maintenant, que c'est à moi d'accepter mes propres choix. Et puis bon, bah tant pis pour les critiques, tant pis pour les douleurs que ça peut encore m'imposer. Ce sont des douleurs de l'extérieur, mais vous êtes heureuse dans votre choix. Si j'ai bien compris. Oui, parce que vous dites pas donc, les critiques de l'extérieur sont toujours une blessure voilà. Pour moi. On ne peut pas ne pas être atteint par des critiques ou par des remarques, mais bon, je crois que ces blessures-là, j'en ai besoin ou j'en ai eu besoin pour vivre aujourd'hui ma vie et pour mener ce combat que je mène encore maintenant après 10 ans. Donc, Oui, c'est pas toujours facile, mais au travers de ce que les autres nous envoient et qui peut, comme vous dites, être une blessure, moi ce que je fais en général, j'essaye de comprendre, donc je ne suis plus moi, j'essaye un peu de devenir l'autre, de me mettre à la place de l'autre et de me dire mais pourquoi est-ce qu'il ou elle me dit ça, pourquoi est-ce qu'il ou elle pense ça? Et puis quand je comprends ça, alors je peux lui laisser à son bout du ruban de la relation, je ne le prends comprend plus pour moi. Donc ça, ça peut être aussi un moyen de se protéger en partie, je dirais. Oui, de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Je prends quand ça m'intéresse et que ça peut me permettre de grandir ou de me remettre en question. Mais sinon, je ne le prends plus en me disant, oui, ça, ça lui appartient. Et je lui laisse. Et moi, mon bout du ruban, je vis mon choix. Ça c'est ça. Je crois qu'il faut pouvoir prendre du recul vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille, des amis, et puis poser ses choix et les assumer du mieux qu'on peut. Parce que finalement, cette vie-là, c'est vous qui devez la vivre. Hein. C'est vous qui vivez votre vie. Ce ne sont pas les autres. Et malheureusement, on a un peu été éduqués à donner notre avis, nos jugements sur telle chose. Et moi, je dis toujours à mes clients, fréquentez vos alliés. Et ceux qui le sont un peu moins, je ne dis pas qu'il ne faut pas les fréquenter, mais à ce moment-là, réduire un peu le temps passé avec eux, ou mettez votre bouclier, protégez-vous et laissez-leur leur façon de penser à leur bout de l'écharpe et ne prenez que ce qui vous intéresse chez eux. J'aime bien aussi quand vous dites, et ça rejoint un peu le témoignage de Lucie, quand elle parle des pensées, des réflexions des autres, vous dites que la pensée est énergie. Voilà. Vous avez compris que la pensée est énergie, vous avez appris à développer de meilleures pensées et l'énergie de vos pensées a modifié l'énergie de votre corps. Oui. Elle modifie parce que ces pensées ont un impact énorme sur toutes les parties de notre corps et sur l'extérieur aussi. Hein. Moi, je me suis rendu compte aussi quand, à l'époque, par exemple, quand je disais que ces pertes que j'avais vécues étaient une très bonne chose pour moi, mon entourage proche me prenait pour une illuminée. Hein. Oui. Il ne me comprenait pas. Il se disait, elle devient folle. Et en fait, non, moi, j'avais compris que toutes ces choses allaient m'amener plus loin, un peu comme Lucie, que ce projet, ben oui, c'était mon projet et que c'était un passage obligé. Et assez rapidement, mais je pense que j'ai ça en moi depuis que je suis toute petite, j'en avais assez de souffrir, je voulais être bien, je voulais retrouver cette sérénité, cette joie de vivre. Et là, le moyen que j'ai trouvé, c'est effectivement à travers des pensées, d'avoir des pensées positives, de regarder un oiseau dehors et de me dire « Waouh, qu'il est beau, quel beau chant !» et de me nourrir de ça. Et je me suis très vite rendu compte qu'à l'intérieur de moi, mon corps se détendait, mon cerveau était différent. La vie devenait différente. Et je pense que même parfois, ça a un impact sur l'entourage extérieur, parce qu'après, des gens qui, entre guillemets, me critiquaient, sont venus me revoir en me disant mais comment tu as fait et donc, ça agit en nous et à l'extérieur. Ça interpelle toujours, ça vous avez raison, bien sûr. La mission de vie, itinéraire d'une mission de vie pour donner un sens à sa vie, voilà ce que nous propose donc Marie-Luce dans son livre « Vivre des événements au quotidien qui nous procurent un ressenti », voilà comment nous allons manifester un désir. On y reviendra sur les envies, les désirs qui vont nous permettre de nous réaliser, de trouver notre mission de vie. Et vous, vos envies, vos désirs, vos craintes, est-ce que vous avez l'impression d'avoir maintenant fait le tour d'un certain cycle d'engrenage, voilà, qui ne vous a conduit à rien, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial? Est-ce que vous êtes prêt peut-être à lâcher tout ça et à aller vers autre chose? 3063 pour vous témoigner. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, l'année de la diversité à Bruxelles. Et les Mix City Awards viendront récompenser les meilleures initiatives bruxelloises dans le domaine de la culture, l'événementiel, l'éducation et les sports. Plus d'infos sur mixcity.brussels. Inscription avant le 31 octobre. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Mais 1765, l'impératrice Marie-Thérèse décrète le démantèlement de toutes les brasseries seigneuriales pour une ville à faire de privilèges. Joseph Dubuisson, brasseur pour le seigneur, perd son moyen de subsistance. Impératrice ou pas, nous les petits, on brassera. Joseph fait un pied de nez à l'autorité et construit une brasserie à la limite des terres seigneuriales, juste en face de l'ancienne. Oh, une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Vous

Ah, vous n'êtes plus là. Voilà, juste le temps de vous dire bonjour et là vous partez. En fait, Alfredo, je vais déjà vous le présenter, Alfredo Longo. Quand vous allez reprendre l'autoroute tout à l'heure, là où on est, c'est un rond-point à Mons, Mons Centre. Juste avant de reprendre l'autoroute vers le Bois d'Avray de Mons, il y a un grand cœur avec toutes des canettes. Et en fait, Alfredo est un artiste, un sculpteur, et il recycle la canette, les canettes. Vous voyez, il en a fait un grand cœur. C'est un projet qu'il rêvait de faire depuis très très très longtemps. Moi, je me souviens que je l'avais interviewé il y a très très longtemps, et c'était vraiment un rêve d'installer ça sur ce rond-point près du Bois d'Avray. Et puis c'est un rêve qui... Vous avez tenu bon, Alfredo, puisque vous êtes revenu. Oui. C'est à vous de nous en parler. Merci. Vous avez tenu bon, quoi. Vous avez tenu bon, c'est quelque chose auquel vous aspiriez depuis tellement longtemps. Oui, c'était un grand projet parce que vu la quantité, en fait le public m'a tellement encouragé, mais vu la quantité de canettes qui est rentrée à côté de mon atelier, je me suis dit, moi aussi j'ai ce rêve maintenant de réaliser quelque chose de plus grand et d'en faire partager le public par cette visibilité sur un espace public. Et je dois dire que 4 ans, c'est long, mais bon, dans la vie d'un artiste, c'est peut-être un projet normal, hein, 4 ans. Mais ce qui m'a surtout fait mal, c'était les difficultés techniques et administratives. Parce que côté création, je n'avais pas peur du projet. Donc il a fallu tenir bon pour surmonter tous ces obstacles qui sont la sécurité routière, l'éclairage, l'électricité, l'administration, et tout ça, mettre tous ces gens-là autour d'une table, c'est pas vraiment le rôle d'un artiste, mais j'y suis arrivé. Et après, la création a pris le dessus parce que tout le monde a été très content du projet. Et je dois dire que maintenant, je reçois encore des compliments, presque un an après, hein, c'est déjà plus d'un an qu'il est installé. Ouais, ouais. Donc, pour en venir à votre sujet principal, il faut tenir bon dans tous les domaines, et c'est le seul conseil que je peux donner aussi à des jeunes artistes quand ils ont vraiment un murmure. C'est Spielberg qui disait ça. Quand vous avez un rêve, c'est comme un murmure. Il arrive très très très lentement dans votre esprit. Vous l'entendez à peine, mais c'est peut-être le bon. C'est cela qu'il faut réaliser. Mais moi, voilà, c'est mon expérience. Mais c'est super d'en parler, Alfredo. Moi, je dis qu'un artiste, il est dans une mission. Il est dans une mission de vie. Oui, un artiste. Oui. Voilà, quand on est un artiste passionné, enfin, j'en connais pas beaucoup parce que c'est pas non plus le milieu que je fréquente, mais j'en connais certains. Et Alfredo, vous n'allez pas me dire le contraire, vous en connaissez d'autres, vous. Et quand on parle de mission de vie, ben vous en êtes un vrai exemple. Mais moi, j'ai pensé d'abord à l'art, et l'art n'est pas très visible dans toutes les villes. Il est plus visible en France, mais chez nous, ça dépend quelle ville, mais c'est en avant. Donc à Mons, je suis mes racines. Je suis content qu'il y ait ce projet, et peut-être d'autres arriveront. Ah ben donc oui, cet oui. esprit qu'il y a eu de création, et maintenant l'esprit écologique aussi. On parle tellement de l'environnement, de notre environnement proche. Vous savez, quand on se promène dans les rues, si elles sont plus propres, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la planète. Et peut-être que ces canettes qui sont installées dans une œuvre d'art font réfléchir autrement à nos déchets vraiment très très très très voisins, quoi, qui sont les canettes, les cartons, les plastiques. Tout à fait. Et peut-être qu'un jour, je ferai autre chose avec des plastiques, mais la canette est quelque chose de très important pour la couleur aussi. Il y a combien de canettes là dans ce cœur? Oh, plus de 30 000. Plus de 30 000 canettes. Ah oui, il est énorme. Voilà, hein. Il est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà. Ok. Bah, super, merci Alfredo d'avoir pris... Merci à vous, allez continuer comme ça, à bientôt. Merci. Quelques minutes pour... C'est génial, donc vous allez... Voilà, pour tous ceux qui passent... près du Bois d'Avray à Mons, le rond-point du Bois d'Avray à Mons, quand vous sortez de l'autoroute Mons-Est, quand vous reprenez l'autoroute Mons-Est, vous ne pouvez pas le manquer, c'est un énorme cœur rouge, en canette rouge, avec des canettes rouges, et c'est l'œuvre d'Alfredo Longo, ce jeune artiste qu'on vient d'entendre, et c'est vrai que c'est un projet auquel il tenait, il a tenu bon malgré tous les obstacles, en effet, c'est pas facile non plus de tenir bon sur un projet pareil. 070-23-33-23, SMS 30-63, si vous souhaitez témoigner, on parlera dans quelques instants de santé, enfin santé. On va faire référence, tiens, à votre livre, « Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour ». Avec le docteur Géo, on va se poser une question intéressante par rapport à ça. Qu'est-ce qui attire l'un et l'autre? Vous verrez ça dans un instant. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous l'utilisez quand, votre carte de crédit? Nous, on n'en a pas. Heureusement, parce qu'elle a déjà assez de chaussures. Ah, ma carte de crédit, jamais. Ah, par contre, la sienne. Comment ça? Surtout en vacances. Ah ouais, à propos de vacances, tu devais pas m'inviter à Venise? Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois, carte de crédit incluse, sous réserve d'acceptation de votre demande. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. La recette d'une tranche de bonne humeur ? Plongez un cactus dans le waterzooie. Ajoutez-y une cuillère d'invité. Tarte au riz, pas bien. Des chroniqueurs déjantés, un soupçon de météo, une pincée d'infos routières pour faire passer le goût de bouchon et bien sûr, une bonne dose d'infos essentielle pour bien démarrer la journée. La liberté de la presse doit être absolue. Secouez légèrement et vous obtenez le 8-9 parfait. À déguster sans modération sur La Une et sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. La 2 en télé. Mais que se passe-t-il dans la tête de nos enfants ? J'en ai marre. Des psys ont filmé et observé les réactions des bambins. Avec cette expérience unique, ce qui peut surprendre, c'est qu'on voit quand même que l'enfant à 4 ans, il passe par un nombre d'émotions incroyables. La vie secrète de nos enfants de 4 ans, mercredi soir sur la 2. Itinéraire d'une mission de vie. C'est donc le titre du livre qu'on vous présente depuis 13h aujourd'hui. Alors, en tant que mission de vie, on va mettre la mission de vie sur le côté, si vous voulez bien. Docteur Géo, docteur Van Snick, bonjour. Bonjour. Pour la petite séquence santé. Bien qu'il n'est pas tout à fait question de santé aujourd'hui, je rappelle qu'on vous retrouve tout à l'heure dans l'émission Vitamine, hein, 17h10 sur la 2. Qu'est-ce qui rend un homme attirant aux yeux des femmes ? C'est donc la question que j'ai envie de vous poser. C'est la question sur laquelle vous vous êtes posé vous aussi, puisque des chercheurs australiens m'avez-vous dit, se sont interrogés à ce sujet et ont découvert que la barbe est une caractéristique qui compte. Oui, alors d'abord pour avoir un portrait d'homme attirant, effectivement, il faut regarder l'émission de télévision de ce soir, ça me paraît une évidence. Oui. Et ne regardez pas Adrien, s'il vous plaît, c'est la première chose. Et puis, on s'est rendu compte, Sylvie, que les femmes, alors c'est une étude énorme sur plus de 8000 femmes, les femmes qui veulent une relation courte, Bon, elles ont le droit. Hein. Une relation courte, eh bien, figurez-vous qu'elles préfèrent les hommes qui ont une barbe de 3 jours. Donc, c'est la nouveauté. Là, vous savez, les jeunes, ils ont toujours une barbe de 3 jours. Oui. Je ne sais pas comment ils font. Tout le monde sourit que... ici. Hein, donc, voilà, continuez. Alors là, c'est pour les relations courtes. Oui. Et puis, les femmes, pour une relation longue, elles préfèrent plutôt les barbus costauds, parce que c'est en fait un caractère sexuel, et en fait, ça date d'il y a très longtemps, la préhistoire. Les hommes qui sortaient beaucoup des cavernes avaient des poils qui poussaient pour se protéger de la pluie. Ils avaient des gros sourcils aussi pour empêcher la pluie de couler dans les yeux. Et donc, ce sont finalement la représentation, ces barbus-là, c'est la représentation de la virilité, de la puissance intrasociale. C'est-à-dire que ce sont les dominants, soi-disant, de société. Bon, ça, c'est ce qu'on raconte, évidemment. Et puis, avec le temps qui passe, on a eu moins besoin de tous ces poils. Et la testostérone, qui est notre hormone mâle, qui est très développée, évidemment, chez certains. Donc, regardez encore l'émission ce soir, bien sûr. Le testostérone a un effet sur les cheveux aussi. Ah bon ? Et donc, c'est un homme chauve, même s'il est désespéré, est en fait très attirant aussi pour les femmes. C'est un vrai caractère sexuel secondaire. Et donc, on peut dire que l'idéal, évidemment, pour les femmes, ce serait un chauve avec une barbe longue pour avoir un mari qui dure longtemps et avec une barbe de 3 jours pour une petite relation de passage. C'est ça, d'accord. Et on pourrait faire une émission complète là-dessus. Hein. Je suis en train de me dire que... Certainement. Vous me frustrez parce que j'aimerais bien parler de ça pendant 2 heures avec vous. Oui, voyez, tout à fait. Mais moi, je dois malheureusement vous laisser pour aller enlever ma perruque et me laisser pousser la barbe pour notre prochaine rencontre. Ça va, ok. Je calculerai les centimètres de votre barbe. Oui, merci, docteur Géo. À demain. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. And avec Spirit, sa sûre vivacité. Toutes mes félicitations à Alfredo. Simplement, j'aurais voulu savoir si le cœur en canette à l'hôpital Saint-Luc est également une œuvre à lui. Ah, demande Annie. Voilà, bah Alfredo, s'il est toujours en train de nous écouter, nous répondra. Oh, j'aimerais Marie-Luce, terminer par un témoignage. On en a beaucoup, tiens. Dernière demi-heure, on a eu plein de témoignages. Mais le vôtre, Muriel, il est fort. Bonjour Muriel, bienvenue. Bonjour, enchantée. Vous dites, il y a 4 ans, j'ai tout perdu. Maison, mari, argent, travail, société. Cette épreuve m'a apporté une toute nouvelle énergie de vie, dites-vous Muriel. Alors quand on tout parle de rebondir, vous, c'est un fameux rebondissement. Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que c'est une magnifique opportunité de pouvoir en tout cas tout perdre parce qu'on ne s'inquiète plus de ce que l'on a, mais on s'inquiète plus davantage de ce que l'on est. Et vous rencontrez dans votre vie des gens qui sont et qui ne sont plus dans le paraître, mais qui sont dans le réel et qui viennent vous aider gratuitement, ou qui viennent en tout cas, qui sont comme vous. Et je trouve que c'est une très, très, très grande valeur de pouvoir tout perdre un jour dans sa vie. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Oui, parce que je me dis, vous ne pouvez peut-être pas dire ça à tout le monde, Muriel, et pourtant, c'est vous, quoi. C'est vous que ça regarde, puisque c'est vous qui avez été confrontée à tout ça, en plus, Muriel. Mm-hmm. Oui. Moi, je vous comprends, Muriel, quand je vous entends. Je suis en admiration et je vous comprends parce qu'effectivement, rebondir comme vous l'avez fait permet d'être. On est plus dans l'être que uniquement dans l'avoir. Et je suis très certaine que l'avoir va revenir par la suite, avec le temps. Mais comme vous dites, vous appréciez la vie différemment et vous êtes différente. Et cette richesse de l'être, c'est ce que nous disons toujours dans nos formations. La richesse de l'être, c'est quelque chose qu'on ne nous prendra jamais. On l'a en soi et on la garde pour toujours. C'est une force. Tout à c'est fait, bon. Ça c'est quelque chose qui... On parle toujours de richesse, d'argent, de biens matériels, mais en fait, le jour où on se découvre cette richesse, nous sommes riches pour le restant de nos jours. Oui. On ne peut plus jamais nous voler quoi que ce soit. Et là aujourd'hui, je suis en train de... La roue tourne et je suis en train de remettre en peinture une nouvelle demeure, une nouvelle maison. Une nouvelle location, un nouvel amour, avec une barbe. Plus que 3 jours, et voilà. C'est un bon signe, ça. Ouais. On voulait absolument vous avoir, Muriel, parce qu'en effet, c'est un témoignage très fort, beau, quoi. Quand on beau. Parle de mission de vie, quand on parle d'obstacles, il y en a qui accumulent, c'est sûr, et qui ont tout. Mais c'est vraiment ces mots forts, Muriel, qui ose écrire, et j'entends, et vous l'entendez aussi, tout perdre, c'est une vraie opportunité de revivre. En tout cas, c'est son avis à elle, quoi. C'est son ressenti à elle. Oui. Je l'ai vécu exactement de la même façon qu'elle. Et c'est une richesse, c'est une force. Je pense qu'on peut découvrir dans ces moments-là. C'est en ça que parfois les difficultés sont une opportunité. Mais c'est plus facile de le dire après qu'au moment où on est dedans. Sûr. Il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages pour vous en disant « J'ai frappé à la porte du centre Horizon de Vie à une période de ma vie où plus rien ne fonctionnait. J'avais touché le fond. Aujourd'hui, je souris avec tendresse au vu du chemin parcouru. Tu nous as rendu la foi, le désir, le courage. Tu nous as permis d'enfanter des rêves qui sommeillaient au creux de nous. Quelle belle rencontre. Merci Marie-Luce d'être toi. » Voilà, il y en a plusieurs, donc je voulais absolument en lire un. C'est signé Véro, créatrice et coach. Les coordonnées de votre livre sont sur la page Facebook de l'émission, votre site internet aussi. Marie-Luce, ça a été un régal. Voilà. Comme toujours. À la prochaine. Merci Sylvie, avec plaisir. Pour le prochain livre, Aller Retour s'installe. Regarde-tu là comme il est bien fait. Oh oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Bon après-midi à tous. Le ciel est par endroits bien dégagé, à d'autres un petit peu plus nuageux, mais le temps reste sec. On attend pour aujourd'hui des températures de 9 à 13 degrés. Pour demain, ce sera un petit peu plus nuageux avec quelques gouttes possibles de la région anversoise jusqu'à la Campine, peut-être aussi sur le nord des Hauts-de-Fagne, mais partout ailleurs un temps sec, 8 à 12 degrés pour les maxima. La fin de la semaine restera quand même marquée par un temps nuageux, mais plus doux à partir de vendredi. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour.